Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Charlie Chaplin, génie du 7e art. Charlie Chaplin est notre maître à tous, parce que je crois que tous les comiques du monde entier, y compris moi, tout ce que nous faisons, Charlot l'a fait avant nous. Il n'y a eu qu'un seul Charlie Chaplin, et je crois que nous sommes tous des moutures de Charlie Chaplin. L'acteur français Fernandel, en 1966, Fernandel, qui ne sera pas le seul à se réclamer de l'héritage de Charlie Chaplin, géant parmi les plus grands, Chaplin sera à la fois cet interprète de grand talent dont parle Fernandel, mais aussi un pionnier du 7e art, de même que le père de l'un des personnages les plus universellement attachants de toute l'histoire du cinéma, le personnage de Charlot, ce vagabond au grand cœur. Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Voici Hollywood, en 1915, dans cette Californie, où le sol est baigné les plantations d'orangers et de citronnets, avant qu'elle reçût la visite de trois cavaliers de l'apocalypse, le pétrole, le cinéma et la construction aéronautique. Ces trois cavaliers qui piétinaient le sol, arrachant orangers et citronniers, et le remplaçant par des usines et des studios. J'étais l'un des coupables. J'avais hâte de te voir en studio. Si un homme peut se vanter d'avoir connu une gloire, une popularité universelle, c'est lui et son personnage, Charlot. Il a gravi 4 à 4 tous les degrés qui l'ont mené de l'indigence la plus misérable à la fortune la plus éclatante. 80 films racontent cette histoire, 80 films dont il a été l'auteur, le réalisateur, l'interprète, le musicien même quelquefois, et le producteur par besoin d'indépendance. Personnage clé d'un art naissant, le cinéma, il a profondément marqué les artistes de son temps, et nul, aujourd'hui, n'oserait refuser de reconnaître ce qu'il doit à Chaplin. Vous entendiez au tout début de cet extrait sonore la voix de Charlie Chaplin décrire en français les débuts du cinéma à Hollywood. Vous entendiez ensuite un extrait du magazine scientifique et culturel du 21 janvier 1966 présenter très sommairement la carrière et la grandeur de cette carrière de Charlie Chaplin. Pour nous raconter justement cette immense carrière de Charlie Chaplin, j'accueille André Lavoie, qui est critique de cinéma au Journal Le Devoir, un habitué de l'émission. André Lavoie, bonjour. Bonjour Jacques. Comment, ce sera pas simple, mais c'est un passage obligé, en un mot. Comment décrire l'importance qu'occupe Charlie Chaplin dans l'histoire du cinéma, non pas américain, mais dans l'histoire du cinéma tout court? Bien, d'abord, c'est la première icône du cinéma, la première icône populaire du cinéma. C'est le premier visage connu que des millions de spectateurs à travers le monde vont découvrir et connaître. On disait à la blague que les enfants connaissaient trois noms, ceux de leurs parents et celui de Charlie Chaplin, oui. Celui de Charlot. Et en plus, il aura révolutionné d'une certaine façon les techniques cinématographiques parce que ce sera un des premiers à avoir le souci de la mise en scène, le souci d'un cinéma bien fait, efficace, comique. Il va reprendre constamment des scènes, il va refaire des prises, mm-hmm. Il va répéter avant les tournages. Un peu maniaque, en fait. Un tyran. Oui. Bon. Est-ce qu'il a toujours, par ailleurs, été reconnu à sa juste valeur? Moi, j'ai encore des images d'un cours de cinéma. Je ne nommerai pas cette professeure à qui je pense, de l'Université d'Ottawa, qui n'avait pas programmé Charlie Chaplin dans son cours Histoire générale du cinéma. Est-ce que, chez une certaine élite, chez les théoriciens du cinéma, il n'y a pas eu une espèce de bouderie parce qu'il faisait de la comédie, entre oui. autres. C'est une des choses. Il faisait de la comédie. En plus, son œuvre n'était pas tout à fait constante. En fait, il y a eu une sorte de déclin, si on veut. Oui. Quand on scrute bien sa filmographie, ça n'a pas été une apogée continue. Il y a eu des films exceptionnels, des chefs-d'œuvre et des films beaucoup moins réussis, entre autres vers la fin de sa carrière, ce qui a un peu porté ombrage à son héritage d'une certaine façon, mais au fil des générations, les cinéphiles redécouvrent l'œuvre de Charlie Chaplin. Maintenant, on en prend soin parce qu'à une époque, elle n'est pas tombée dans l'oubli, mais beaucoup de ses courts-métrages et ses moyens-métrages n'étaient pas accessibles. Alors là, il y a vraiment un renouveau, ouais. un renouveau de l'intérêt et un renouveau des recherches aussi autour du travail de Charlie Chaplin. Parce que c'est un incontournable quand on parle de l'histoire du cinéma. Sa vie, elle a quelque chose qui se rapproche du conte de fées. Mm-hmm. André Lavoie, il devient très, très riche. Il devient très, très, très célèbre. Mais son enfance, c'est digne d'un roman de Charles Dickens. Oui. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu Oliver Twist sur sa table de chevet et je pense qu'il s'identifiait beaucoup au malheur des personnages qu'on retrouve dans les romans de Dickens parce que son enfance, c'était ça. Ça a été une enfance misérable, ça a été une enfance douloureuse, ballottée d'un loyer à l'autre, d'une maison à l'autre, d'un foyer pour enfants à l'autre. Tout ça à cause d'un père alcoolique et d'une mère à l'équilibre mental très instable. Ouais. Ses parents, c'était deux artistes du musical qui n'ont pas eu la carrière dont ils rêvaient. Et ça, ça a ajouté au malheur de Charles et de Sidney, son demi-frère. Et l'enfance de Charlie Chaplin à la fin du 19e siècle dans l'Angleterre industrielle et difficile économiquement, surtout pour les gens pauvres, ça va le marquer toute sa vie, ça va marquer son œuvre. Et c'est une source d'inspiration pour lui. Total, et ça va aussi contribuer à son insécurité légendaire. Ouais. Il va même développer une espèce de complexe plus tard d'avoir fait fortune, d'être devenu si riche en jouant ce personnage du vagabond si pauvre. Oui, en fait, c'est pas la seule contradiction qu'on retrouve dans la vie et l'œuvre de Charlie Chaplin, parce que il n'est d'aller à l'école que peut-être un an et demi, mais ça n'a jamais empêché de lire entre autres le dictionnaire pour étoffer ses discours de mots très recherchés. Évidemment, ben comme il était très riche, mais il interprétait un personnage très pauvre, très isolé et méprisé de tous, ça ajoutait à la contradiction du personnage public. Plusieurs lui ont reproché. Et il était aussi... son personnage avait quand même quelque chose d'humaniste, mais l'homme, lui, il était beaucoup moins. Dans la vie quotidienne, dans sa vie personnelle, il pouvait être assez, même très cassant, un peu violent. Il ne supportait pas la paresse, il ne supportait pas grand-chose. Et c'est pour ça que Charlie Chaplin n'a à peu près jamais été dirigé par un autre metteur en scène que lui-même. Ouais. Il arrive à un moment donné à Hollywood. Qu'est-ce qui l'amène? Il va faire de la scène comme ses parents. Et d'ailleurs, c'est par la scène qu'il va se retrouver à Hollywood. Tout à fait. Mais en fait, il faisait partie de la troupe de Fred Carnot qui a fait une première tournée aux États-Unis, une tournée triomphale. Il est retourné au milieu des années 10 aux États-Unis avec la même compagnie. Et c'est là que Max Sennett de la compagnie Keystone va le voir et va découvrir le potentiel extraordinaire de cet acteur-là. Il va l'engager et c'est à la Keystone, dans le fond, que j'oserais presque dire que Charlie Chaplin va tout apprendre. Parce que là, c'est les débuts du cinéma. Max Sennett n'est pas quelqu'un de très, très, très rigoureux. C'est quelqu'un de très efficace, très rapide. On sort des courts-métrages comme on sort des voitures en usine. Et Charlie Chaplin, rapidement, lui, va s'insurger contre ça parce qu'il croit que on peut faire un cinéma un peu plus recherché, tout aussi efficace. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il va convaincre Max Sennett de réaliser lui-même des films. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va goûter au plaisir de l'indépendance, tout en goûtant aussi très rapidement au plaisir du succès, parce que dès ses premières apparitions dans les courts-métrages qui mettent en scène le personnage de Charlot, eh bien là, ça sera un succès phénoménal qui s'amorce et qui va durer sur quelques décennies. Et ce personnage-là, il arrive donc très, très vite, dès le tout début, à fait, dans les films qu'il fera à la Keystone. Comment le décrire, ce fameux personnage de Charlot? Je propose d'écouter le comédien Jean-Louis Barrault qui nous parle justement du personnage de Charlot, mais surtout de la façon dont Chaplin interprète ce personnage, extrait du magazine scientifique et culturel du 21 janvier 1966. Charlot était la représentation du peuple dans la grande tradition des Pierrot. Moi qui ai abordé humblement ce personnage avec les Enfants du Paradis et d'autres dans d'autres pièces, j'ai pu apprécier à quel point Charlie Chaplin atteignait la perfection. Il arrivait à voir des immobilités d'une expression extraordinaire, et de même que pour un acteur parlant, le comble de l'art, c'est de faire vivre un silence, pour un mime, le comble de l'art, c'est de faire vivre une immobilité. Alors, comment décrire ce personnage de Charlot, André Lavoie? On entendait aussi le comédien Jean-Louis Barrault nous parler de la façon dont Chaplin lui donne vie à ce personnage-là. Comment décrire ça, cette interprétation, et ce qu'est Charlot au départ? Charlot, en fait, c'est la somme de beaucoup d'observations de Charlie Chaplin, ne serait-ce que la démarche. Charlie Chaplin a observé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ivrognes, dont son père, malheureusement. Et la démarche est beaucoup inspirée de ça. C'est inspiré aussi, dans le fond, de tous les damnés de la Terre, on pourrait dire. Mais en même temps, c'est pas un personnage qui va justement prendre sur ses épaules toutes les misères de la Terre, parce que ça reste quand même un personnage individualiste qui a beaucoup de difficultés avec l'autorité, comme par hasard son créateur, celui a la même posture justement face à l'autorité. Il est quelqu'un justement qui n'hésite pas à donner des coups aux policiers ou aux gens qui l'emmerdent. C'est carrément un guignol qui tape sur le gendarme. Tout à fait. Puis en même temps, il le fait avec un sérieux et une intensité étonnante. Jamais le personnage de Charlot va rire de ses mauvais coups, de ses blagues. Il est toujours là, dans le fond, un peu pour se défendre, mm-hmm. pour prendre sa place. Et c'est un personnage, dans le fond, qui est beaucoup plus volontaire. On a l'impression, on a souvent le sentiment de le voir comme justement une victime. Mais ni Charlot, ni son créateur ne sont des victimes. Ouais. Ce sont des gens volontaires, mais un le fait d'une manière plus modeste que l'autre. La carrière de Charlot commence donc à la Keystone. Il va signer des contrats, il va changer de boîte de production à répétition. Et la première partie, donc, c'est une succession de courts-métrages. Et arrive le premier grand long-métrage, mm-hmm. Le Kid, en 1921. Pourquoi ce film-là est important? Ce film-là est important pour deux choses, parce que d'abord, c'est son premier long-métrage. Alors ça, en soi, c'est un événement. C'est aussi un film remarquable parce qu'il s'inspire parfois même à l'image près de ce que le jeune Charlie Chaplin a lui-même vécu dans son enfance. Et Chaplin a aussi eu la chance unique, et ça, beaucoup de réalisateurs qui travaillent avec des enfants peuvent en témoigner. C'est pas facile de trouver des enfants qui peuvent jouer et qui peuvent jouer la comédie, et sa rencontre providentielle avec Jackie Coogan a fait en sorte que Le Kid, ça a été un succès exceptionnel, et ce sont tous ces éléments-là réunis qui font la force de ce premier grand film de Charlie Chaplin. Le Kid en 1921, deux ans plus tard, Charlie Chaplin essaye tant d'écarter le personnage de Charlot avec son film L'Opinion publique. Et là, il y a une grande leçon qu'il va retenir pour le reste de sa vie. Les gens tiennent à Charlot. Tout à fait. On le voit à peine quelques minutes dans ce film et il essaie des choses. Il y a beaucoup de cinéastes qui aiment ce film, qui raconte un peu la déchéance d'une femme et qui met en place des éléments qu'on va retrouver plus tard dans le cinéma de Charlie Chaplin, c'est-à-dire le mélodrame. Mm-hmm. Et Martin Scorsese fait une analyse extraordinaire de ce film-là. C'est un film qui a beaucoup marqué le cinéma hollywoodien, mais qui a jamais connu aucune popularité. Même Charlie Chaplin a essayé de le ressortir, de mettre de la musique sur le film. C'est un film qui a jamais connu une grande histoire d'amour avec le public, mais c'est un film qui a marqué beaucoup le cinéma hollywoodien et qui a, comme vous le dites, donné une grande leçon à Charlie Chaplin. On veut voir le personnage de Charlot. Parlons de l'arrivée de cette petite révolution, de ce tremblement de terre à Hollywood, l'arrivée du parlant, du cinéma parlant. Chaplin, c'est le grand maître du cinéma muet. Comment il va vivre l'arrivée du parlant, André Lavoie? Il va résister beaucoup pendant plusieurs années. Une des raisons, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir que le personnage de Charlot puisse parler. Alors, il y aura cette résistance et, curieusement, les gens vont lui donner raison parce que les films muets qu'il va réaliser pendant la période du parlant vont connaître beaucoup de succès. Un de mes films préférés de Chaplin, c'est Les Lumières de la ville, qui je pleure à chaque fois que je vois le film. C'est un film remarquable. Et il aurait très bien pu y avoir de la musique, y avoir des paroles, mais il a refusé. Et je pense que son pari dans ce film-là est réussi. Mais lorsque arrivent les temps modernes, je crois qu'il y a déjà une certaine difficulté à résister, mais il va faire un compromis assez exceptionnel. Ouais. C'est qu'il va mettre de la musique, il va y avoir quand même des sons, on va entendre des choses, mais ça restera quand même un film plus muet que parlant. En fait, ça va être vraiment un passage, mais tout en douceur. Tout à fait. Et ça va se faire par une chanson, parce que le film, les temps modernes, ça reste un film essentiellement muet, mais il y aura cette petite chanson qui est une espèce de pirouette, de clin d'œil de Chaplin qui nous dit « Bon, J'y viens. C'est de la douce dorée, je notre soca forêt, je notre site avoré, je la coule à t'il à toi. La spinage au la bouchon, si grette pote pello, si raquiche pas que l'étau, je la coule à t'il à toi. Voilà donc comment Chaplin fait son entrée dans le cinéma parlant « Je cherche après Titine ». C'est une boutade, oui, cette chanson-là. Oui, tout à fait. Et c'est un moment dans le film absolument amusant. Et il y en a beaucoup comme ça, de ces moments amusants dans les temps modernes, qui est aussi une transition par rapport aux prises de position ou à la vision du monde de Chaplin. Avant ça, il était davantage, évidemment, dans l'observation des problèmes sociaux et du mélodrame, mais là, il prend une position beaucoup plus ferme à l'égard des transformations de la société. Il va s'aventurer sur des terrains un peu plus glissants. Dire des choses avec son cinéma et de plus en plus être critique de la société dans laquelle il vit. Et de prendre position. Il faut quand même comprendre que les temps modernes, on s'entend que c'est pas une charge pro-syndicale, c'est pas un appel à la révolution, c'est une façon, un besoin de montrer l'aliénation de l'ouvrier devant la mécanisation de plus en plus inhumaine que l'ouvrier doit subir. Et le personnage de Charlot, encore là, lui, aspire à un bonheur individuel. Oui. Il n'appelle pas à la révolution. Et quand il agite un drapeau au début du film, ben, on voit bien toute l'ironie que c'est pour rendre service. C'est pas parce qu'il appelle un mouvement de masse pour changer le capitalisme de fond en comble. Mais ça reste aussi un film absolument brillant sur le plan cinématographique où Chaplin, sa virtuosité, sa dextérité, sa force, sa présence, tout cela éclate dans les temps modernes. Et jusqu'où va Chaplin dans les temps modernes, puis ensuite dans Le Dictateur, parce que ça va continuer d'évoluer son cinéma, puis on reviendra à ce paradoxe que vous avez déjà évoqué sur Chaplin, mais extrait, petit montage en fait dans Le Dictateur, d'abord du discours du dictateur Hinkel, puis qui va se mêler à ce grand discours de la fin, qui est au fond le discours du personnage de Charlot, mais plus que ça, qui est Charlie Chaplin, tout à fait. Qui nous dit ce qu'il pense vraiment de ce que devrait être la société. Der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Schaukraut. Ey, der Flüten sagt der Flüten. Ein Tummelier wie ein Strapp. Ein der Blitzen sagt der Klütz. Ey, die Fleiner Strapp mit der Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit que dit Chaplin dans ce discours final? Il va mettre des semaines à l'écrire. Qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Ben, ça nous dit d'abord son courage. Écoutez, ce film-là a été tourné à la fin des années 30. Il décide littéralement de se moquer d'Adolf Hitler. Il décide, en fait, aussi, c'est qu'il, en fait, il y a une blessure d'orgueil un peu parce que Hitler refuse la diffusion de ses films en Allemagne. Des rumeurs voudraient que Hitler se serait un peu modelé au personnage de Charlot pour être plus sympathique. Et évidemment, Charlie Chaplin déteste la figure et les idées d'Adolf Hitler. Alors, se venger, d'une certaine façon, se moquer, lui, à la fin des années 30, alors que, bon, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un fort courant isolationniste aux États-Unis qui fait qu'on veut pas s'impliquer dans la guerre et qui, plus tard d'ailleurs, Chaplin dira « il faut aider nos amis soviétiques à se battre contre... » Alors, de faire un film comme celui-là, d'évoquer entre autres les camps de concentration, bon, d'une manière très, très gentille dans le film, mais quand même, à la fin des années 30, d'aborder ça. Donc, tous ces éléments-là font que le film est carrément révolutionnaire, courageux, important, et qui va quand même connaître peut-être pas un immense succès tout de suite là, à la sortie, mais par la suite, il va rester à cause, encore une fois, de ces grands moments de bravoure, dont la fameuse scène où il agite un globe terrestre autour de lui dans une immense salle. C'est une scène absolument sublime. Alors, tout ça fait en sorte que Le Dictateur est un moment charnière dans la filmographie de Charlie Chaplin. Ouais. Et puis, ce sera à peu près la fin de sa période américaine. Au début des années 50, Chaplin est forcé à l'exil en Europe. Europe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce génie du cinéma hollywoodien devient tout à coup persona non grata? Un mélange de plusieurs éléments. D'abord, on ne l'a pas trop abordé, mais sa vie personnelle, sa vie matrimoniale est tumultueuse. On lui accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup de mariages, beaucoup de procès, un étalage constant de sa vie privée sur la place publique. Ses prises de position politique vont fortement embarrasser le gouvernement. Edgar Hoover du FBI va en faire un ennemi personnel. Et le fait qu'il n'ait jamais demandé la citoyenneté américaine va aussi ajouter au malaise que de plus en plus d'Américains ont à l'égard de Charlie Chaplin. Il va avoir une campagne orchestré en partie par le FBI pour dénigrer Charlie Chaplin, ce qui va faire qu'au début des années 50, lorsqu'il va quitter les États-Unis pour aller présenter les Feux de la Rampe en Europe, il va apprendre qu'on ne lui accorde pas un visa de retour. Donc, pour lui, ça sera la fin de l'aventure américaine et il va prendre ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amertume, de tristesse, de douleur. Et ce sont tous ces éléments-là qui feront que Chaplin va devenir en quelque sorte un paria. C'est quand même assez étonnant considérant la popularité qu'il a eue aux États-Unis. Et puis, ce sera suivi de ce long exil. Il va passer quoi, 25, à peu près 25-30 ans jusqu'à sa mort en Suisse. Quelques films. Et puis, un petit coup de chapeau à la toute fin de sa vie. Oscar, un Oscar hommage en 72. Oui, qui va en quelque sorte réconcilier Chaplin avec l'Amérique, mais à mon avis, ça sera un peu tard. Il est déjà malade, quand même heureux. Je veux dire, sa dernière épouse, Una O'Neill, avec qui il aura 8 enfants, saura protéger Charlie Chaplin. Ils vont faire un tandem assez incroyable. Ils vont se protéger l'un l'autre d'une certaine façon, mais ça arrive un peu tard et je pense que Chaplin va quand même garder toute sa vie une immense blessure d'avoir été ainsi renié par la patrie, dans le fond, qu'il a vu naître en tant que cinéaste. Et ça, je pense qu'il en a porté toute sa vie une immense blessure. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir, habitué de l'émission. Merci beaucoup, André. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Jean Lemieux. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à la suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.